Elle est visible dans le ciel nocturne dégagé de l'hémisphère nord et il a fallu du temps pour comprendre exactement ce qu'était cet objet brillant au contour flou qui ne se comportait pas exactement comme une étoile. On a parlé d'elle comme d'une ceinture, d'une nébuleuse, avant d'attester qu'il s'agissait bel et bien d'une galaxie, et précisément une galaxie spirale, tout comme la nôtre, à 2,5 millions d'années-lumière de nous, soit quasiment la porte à côté à l'échelle cosmologique, et surprise de taille, malgré sa taille massive, Andromède serait tout compte fait beaucoup plus jeune que nous, plus jeune encore que la Terre. Elle se serait formée il y a tout juste 3 milliards d'années. Andromède, notre si jeune voisine, c'est le programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer l'histoire, le présent et le futur d'Andromède, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui les chercheurs qui sont à l'origine de cette toute récente datation de notre voisine galactique. Bonjour François Hammer. Bonjour. Vous êtes astronome au GEPI pour Galaxies, Étoiles, Physique et Instrumentation à l'Observatoire de Paris, rattaché à l'Université Paris Sciences et Lettres. Bonjour à vous Yan Binyang. Bonjour. Vous êtes ingénieur de recherche CNRS également au GEPI. Vous avez travaillé pour votre part sur les simulations numériques et les supercalculateurs. On va en parler tout à l'heure de ces modèles si importants à cette datation. Vous pouvez suivre, eh bien, comme chaque jour, l'émission sur les ondes et sur notre fil Twitter, particulièrement aujourd'hui, où vous allez voir ces images de la galaxie d'Andromède magnifiques qu'on va poster tout au long de l'heure. Ça vaut le coup d'aller regarder sur @laméthodefc. Alors on va tout de suite, si vous le voulez bien, lever une sorte de voile ou de flou qui consisterait à penser que la galaxie d'Andromède s'est formée il y a, alors vous dites, entre 1,6, 1,8 et 3 milliards d'années, comme si elle s'était formée ex nihilo. Pas du tout, François Hammer, ce n'est pas le cas. Sa forme actuelle est en fait le résultat de la coalescence de deux galaxies plus petites. Oui, c'est exactement cela. En fait, les étoiles qui se trouvent dans la galaxie d'Andromède, pour leur grande majorité, existaient déjà avant cette gigantesque collision. Mais par contre, la forme de la galaxie telle qu'on l'observe aujourd'hui et qu'on peut observer dans le ciel, est vraiment le résultat de cette gigantesque collision. Et c'est une forme transitoire d'ailleurs, puisque pour le moment, il faut rappeler peut-être à toutes fins utiles que la Voie lactée dans sa forme actuelle aurait, elle, 12 milliards d'années. Alors, on estime à peu près entre 10 et 11. 10 et 11, d'accord. 12, c'est un peu vaste. Voilà. D'accord. En tout cas, je disais, c'est une forme transitoire, cette galaxie d'Andromède, puisque selon d'autres modèles, d'ici 4 milliards d'années, le scénario va se répéter, mais avec nous cette fois-ci. Alors, je peux pas vous préciser les 4 milliards d'années, malheureusement. Ça, c'est pas sûr encore, tout à fait. C'est même très loin d'être sûr, parce qu'en fait, cela dépend. On connaît très très bien la vitesse à laquelle les deux galaxies se rapprochent. Elles se rapprochent à 61 km par seconde l'une de l'autre. Mais c'est les vitesses qu'on appelle les vitesses radiales. C'est vraiment les deux objets qui se rapprochent. Par contre, ce qu'on ne connaît pas bien, c'est les vitesses dans le perpendiculaire à cette vitesse radiale, qu'on appelle les vitesses orthoradiales ou tangentielles. Les vitesses tangentielles. Et celles-là, on ne peut les mesurer qu'en mesurant en fait les mouvements des étoiles dans Andromède de façon très précise. On espère avoir des nouveaux résultats peut-être en avril prochain. Et bien vous reviendrez nous en parler. Mais on va reparler de cette galaxie d'Andromède. Si vous n'avez jamais fait l'expérience, par une belle nuit étoilée loin des villes, de vous saisir d'une paire de jumelles pour l'observer, d'une lunette, d'un télescope, faites-le. C'est un spectacle magnifique de regarder Andromède. Et c'est rare de pouvoir observer une galaxie comme ça à l'œil nu quasiment. Alors je conseille aux amateurs, effectivement. Je confirme exactement tout ce que vous disiez, mais je conseille aux amateurs d'abord d'éviter une nuit avec lune, première chose, et plutôt d'utiliser des jumelles qu'un télescope, parce qu'en fait, cette galaxie, le disque de cette galaxie est très grand sur le ciel, il est beaucoup plus grand que la lune en fait. On pourrait mettre dans l'ensemble du disque d'Andromède, on pourrait mettre l'équivalent de 6 lunes. Donc plutôt à la jumelle que à la lunette. Alors on va parler, je le dis, hein, on va parler tout au long de cette heure de la galaxie d'Andromède. On va revenir peut-être au tout début, peut-être avec quelques petits rappels en matière de cosmologie galactique. Quelles sont les premières traces écrites que l'on ait de l'observation d'Andromède? Parce que on se rend compte quand on observe le ciel qu'effectivement ça n'est pas tout à fait une étoile, même à l'œil nu, même sans jumelle, François Hammer. Absolument. On l'a d'abord appelée nébuleuse. En fait, la première écriture connue, en tout cas, a été faite en 964 par l'astronome perse. Alors, je ne sais pas si je prononce bien le nom, Abd al-Ramni al-Soufi, qui a effectivement, dans son encyclopédie de nébuleuses et d'étoiles, a mentionné l'existence de cet objet. Il est très probable que même les hommes préhistoriques aient pu voir Andromède sans qu'on puisse en dire tellement plus. Alors ça, c'est le tout début de l'histoire, 964, après Jésus-Christ. Mais à l'époque, c'est décrit pas vraiment, c'est décrit comme une étoile, c'est décrit comme une nébuleuse. Comme une nébuleuse. Comme vraiment une nébuleuse, et ça a duré effectivement jusqu'en 1920, les années 1920, où une énorme polémique est survenue sur, en fait, qu'est-ce qu'était l'univers. Oui, c'est une petite polémique sur un petit objet. La question, c'était, certains astronomes disaient que l'univers était limité à la Voie lactée, à notre propre galaxie, et que donc les nébuleuses étaient des nuages de poussière ou de gaz. Et d'autres astronomes, dont Edwin Hubble, ont mentionné, eux, qu'ils attendaient plutôt, que ces objets, beaucoup de ces nébuleuses, étaient en fait des voies lactées, d'autres voies lactées. Alors, il faut aussi noter le maître qui a joué un rôle très important aussi dans cette découverte. Et la grande découverte a été faite aussi avec Andromède. C'est quand on a découvert que cette galaxie, en fait, cette nébuleuse se précipitait à une vitesse quand même très grande vers nous, 120 km par seconde. 61 plus 61, puisque c'est les deux exactement. Les deux vitesses s'additionnent. Est-ce que l'on sait pourquoi Andromède, qui a fixé le nom d'Andromède et pourquoi d'ailleurs ce personnage de la mythologie grecque? François Hammer. Là, c'est un peu plus difficile. C'est en fait le nom d'Andromède vient de la constellation d'Andromède. Il se trouve que cette galaxie se trouve dans la constellation d'Andromède, et les constellations, en fait, vous le savez, elles viennent effectivement des personnages antiques grecs. Donc, il n'y a pas de rapport en fait entre la galaxie elle-même et Andromède. Andromède, du coup, étant de loin la plus grande galaxie dans ce système, évidemment, je dirais quelque part, elle a un peu piqué le nom de la constellation. Alors Andromède, c'est le nom poétique, c'est le nom qui nous plaît. Néanmoins, il y a d'autres nomenclatures. On peut éventuellement citer la nomenclature du catalogue Messier en 1764. En fait, le nom que vous utilisez pour vous, c'est pas du tout Andromède. C'est M31, oui, on l'appelle par son petit nom. Voilà. M31, NGC 224, suivant qu'on choisit différents types de classifications. Quel est votre nom de prédilection, Yann Bingyang? Ouais, je préfère M31. Vous préférez M31? Justement, je vais me retourner vers vous, Yann Bingyang. On peut faire aussi un peu de géographie cosmologique ou de géographie cosmique. Disons que on est dans ce qu'on appelle le groupe local. D'accord? C'est le groupe local, c'est la Voie lactée et Andromède, mais il y a en fait beaucoup, beaucoup plus de galaxies que ça dans ce groupe local. Oui, il y a beaucoup de petites galaxies, on appelle galaxies naines. Donc on trouve les deux géants galaxies. Mm-hmm. Andromède et la Voie lactée. Donc entre les deux, c'est Andromède, c'est plus grand que la lactée, presque deux fois. Mm-hmm. Ouais. Et puis il y a beaucoup de galaxies naines et beaucoup de galaxies qu'on dit même satellites de ces galaxies. Oui, on appelle satellites parce que on a imagerie en espèce et comme un satellite autour des galaxies. Mais enfin, il faut savoir toutes les vitesses, précisions précises pour comprendre est-ce que et ils ont des satellites, des vraiment satellites, ou ils ont juste passé. D'accord. S'ils sont vraiment des satellites, c'est-à-dire que s'il y a vraiment un effet de coalescence autour de ces galaxies, c'est par ailleurs le cas. La Voie lactée elle-même, François Hammer, est en train de grignoter tranquillement une autre galaxie au moment où on se parle. Alors, on est en train d'avaler la petite galaxie du Sagittaire. En fait, elle a déjà fait plusieurs tours autour de notre Voie lactée. Elle est en train de tomber littéralement dans la Voie lactée. Et c'est une galaxie qui nous intéresse beaucoup parce que ça commence à nous donner des indices assez importants sur l'origine même du groupe local lui-même, d'où tout cela vient. Pourquoi ça nous donne des indices sur l'origine alors, du groupe local? Alors, parce que en fait, quand vous avez une galaxie qui tombe dans le potentiel d'une autre, il va se passer beaucoup de choses. Vous allez commencer à vous rapprocher d'estimer des choses extrêmement importantes, la masse. Mmh. Et la masse, c'est un calvaire pour les cosmologistes, parce que on n'est pas du tout dans l'ère de la cosmologie de précision. Je vais vous donner un peu un exemple. On s'est retrouvé à modéliser cette fois le grand nuage de Magellan, pour lequel on a trouvé que visiblement on n'avait pas besoin de beaucoup de matière sombre, alors que d'autres groupes travaillent avec le nuage de Magellan. Et ils se retrouvent à multiplier la masse de l'objet par un facteur supérieur à 100. Vous voyez, ça laisse des grosses incertitudes. Mais même pour Andromède, d'ailleurs, la masse d'Andromède a beaucoup varié. Aujourd'hui, on l'estime, si mes renseignements sont exacts, à 825 milliards de masse solaire, mais elle a été estimée à 1200 milliards, d'autres l'estiment à 810 milliards. Enfin, tout ça n'est effectivement pas de la cosmologie de précision. Voilà, exactement. que dire d'autre? Si, pour reparler, parce que ça va être important pour la suite, on fera tout à l'heure, dans quelques minutes, une carte d'identité de cette galaxie d'Andromède. Mais ce qui est intéressant, c'est que on va parler de collision beaucoup. Collision, quand on entend collision, on imagine un choc très brutal entre deux objets. Des collisions de galaxies, c'est pour ça que j'utilisais le mot de coalescence. C'est quelque chose d'assez doux, en fait. Il y a pas grand chose de brutal, en tout cas, comme on peut l'imaginer quand on entend le mot collision, François Hamer. Alors, oui et non. Je vais me permettre de vous contredire un peu sur ce sujet-là. Contredisez-moi. Il y a deux aspects. Il y a un premier aspect, effectivement, si vous... imaginons par exemple ce qui va se passer lorsqu'il va y avoir une collision entre Andromède et la Voie lactée. Pour les habitants d'une planète, en fait, il va vraiment rien se passer, quasiment, enfin, sauf... Il y a quelques cas un peu particuliers, mais en général, il ne va pas se passer grand-chose, parce que deux étoiles ne vont pas se rencontrer, parce que les galaxies sont essentiellement faites de vide. Première chose. Le ciel sera très beau. Ah, il sera magnifique, splendide même. par contre, il y a des aspects quand même extrêmement violents. C'est en fait c'est les cas où quasiment qui correspondent au plus grand déferlement d'énergie dans l'univers. Alors pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est n'oublions pas que dans ces collisions, et en particulier dans celle qui a créé Andromède, les galaxies originelles, elles avaient été bourrées de gaz. En fait, ça avait plus de gaz quasiment que d'étoiles. Et alors là, le gaz, lui, il est très maltraité. Et très maltraité parce qu'il est, il est engagé dans des gigantesques tourbillons. En fait, il y a des échanges de moments angulaires qui sont extrêmes, qui font d'ailleurs, qui vont former in fine les disques, ces fameux disques qu'on observe dans ces galaxies, et in fine aussi notre Soleil, pour la Voie lactée. Et ça, c'est des dégagements d'énergie qui sont considérables. Et puis, il y a un autre dégagement d'énergie, c'est dans le centre de l'objet, où effectivement, ce gaz va être entraîné, il va être entraîné dans le centre, et vous allez vous retrouver à nourrir le trou noir central. Le trou noir supermassif qui est au centre de toutes les galaxies spirales, en tout cas. Exactement. À noter d'ailleurs que celui de une des confirmations, c'est une confirmation très indirecte de notre modèle, mais c'est quand même une confirmation, le trou noir d'Andromède est presque 100 fois, plus 80 fois plus grand, que plus massif que le trou noir de la Voie lactée. Et ça, c'est vraiment lié aux collisions les plus récentes. On vient de vous publier sur Twitter justement une vue d'artiste de ce que serait le ciel de la Terre, mais on en parlera plus tard, au moment de la fusion entre la galaxie d'Andromède et notre Voie lactée, si ce n'est que la Terre ne sera certainement plus là, elle aura été mangée par le Soleil, mais on en reparlera plus tard. En tout cas, c'est des très belles images, effectivement. Peut-être un dernier mot, François Hamer et Yan Bingyang, pour parler. On dit effectivement que la galaxie d'Andromède et la Voie lactée sont des galaxies spirales, mais ça ne sont pas les seules galaxies. Il y a des galaxies qui sont elliptiques. Vous avez parlé des nuages de Magellan tout à l'heure, qui est une autre galaxie qui n'est pas spirale du tout. Il y a différentes formes de galaxies. Et finalement, les galaxies les plus structurées sont les galaxies spirales. On pourrait dire ça comme ça, François Hamer? En partie, je dirais que les galaxies les plus structurées sont les galaxies spirales et aussi quand même les galaxies elliptiques. En fait, vous pouvez définir une galaxie spirale par son disque. Effectivement, le Soleil fait partie du disque de la Voie lactée et il tourne de façon à peu près régulière autour du centre de la Voie lactée. Mais au centre de la Voie lactée, vous avez en fait ce qui est en fait une espèce de minuscule galaxie elliptique dans laquelle cette fois les vitesses sont pas du tout circulaires, elles sont plutôt chaotiques, simplement. Et c'est d'ailleurs ce qui va faire la différence entre la Voie lactée et Andromède, qui auparavant ont été pris considérés pendant à peu près 50 ans comme étant des sœurs jumelles. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et il est 16h15 et nous parlons de la galaxie d'Andromède. Tout au long de cette heure, en compagnie de François Hammer et Yan Bingyang, qui ont proposé récemment un modèle selon lequel cette galaxie telle que nous l'apercevons dans notre ciel aujourd'hui est le fruit de la fusion de deux galaxies, et d'une fusion récente, d'une fusion il y a moins de 3 milliards d'années. En tout cas, on va y venir et on va voir comment vous êtes arrivé à proposer ce modèle de formation. Mais avant cela, je vous propose de faire une sorte de petite carte d'identité d'Andromède. On a entendu quelques éléments de cette carte d'identité de Yan Bingyang. Elle est plus grande que la Voie lactée. Qu'est-ce qu'on peut en dire en termes de comparaison entre justement la Voie lactée et Andromède? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de manière observationnelle de cette galaxie d'Andromède? Le premier, c'est par exemple la masse. La masse de la Voie lactée inclut des étoiles et du gaz. Ensemble, c'est du 5 × 10^10. Mm-hmm. Mais en Andromède, c'est deux fois de ça, presque deux fois. Donc c'est déjà un double masse. En taille, c'est aussi doublé. La disque de Andromède, c'est plus grand de la Voie lactée. Mm-hmm. Donc c'est deux fois la taille du disque par rapport à la Voie lactée, deux fois la masse à peu près. Oui, dans ça. L'ordre de grandeur en tout cas. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Mais il y a aussi des autres caractères, par exemple les vitesses de rotation de la disque. Pour notre Voie lactée, c'est au rayon de soleil, c'est 220 km par une seconde, mm-hmm. mais pour M31, c'est 250 km par seconde. Mm-hmm. M31, c'est Andromède, hein, donc ouais. C'est le nom scientifique d'Andromède, voilà. Du catalogue. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous ajouteriez, François Hammer, à cette carte d'identité d'Andromède? En fait, les raisons pour lesquelles les astronomes ont considéré que ces galaxies étaient identiques, il y en avait aussi quand même. La première, c'est les deux ondes d'un disque, après tout. Les deux ont un bulbe, les deux ont une barre au centre. Alors une barre, c'est vraiment un phénomène assez important et qui aura joué un rôle très très important d'ailleurs dans notre modélisation. C'est un système qui tourne en fait à l'intérieur du disque, d'accord, et dans lequel en fait se trouvent engagés des processus. En particulier, il y a du gaz qui tombe vers le centre. Donc ça a un rôle assez important dans la vie d'une galaxie. Donc il y a quand même des similarités. On parle de spirales barrées, effectivement. Voilà. Les galaxies spirales et les spirales barrées, les deux existent. Voilà. Et les deux sont des spirales carrées. Voilà. La Voie lactée, d'ailleurs, je vais renvoyer les auditeurs à l'émission que nous avions consacrée aux galaxies en règle générale, à la Voie lactée en particulier. On a longtemps douté, hein, puisqu'évidemment, il est difficile d'observer la Voie lactée de l'intérieur, mais on a longtemps douté du fait que la Voie lactée soit une galaxie spirale barrée. Et on l'a établi il n'y a pas si longtemps que ça. Et un peu la même chose pour Andromède, parce qu'il se trouve qu'Andromède a eu la mauvaise idée ou la bonne idée, ça dépend de quel point de vue on se place, d'être vu de côté. Et en fait, c'est très difficile de voir une barre de côté parce que, en fait, on voit essentiellement la poussière. Alors, quoi d'autre? Il y a plusieurs disques dans Andromède. Il y a ce qu'on appelle le disque mince et le disque épais. Ça aussi, ça va être important pour la suite de la discussion. Alors, ça, c'est important. Et par ailleurs, à nouveau, il y a aussi un disque épais dans notre Voie lactée, qui d'ailleurs correspond effectivement, probablement, l'âge des étoiles dans ce disque correspond à la naissance de la Voie lactée. Mais effectivement, là, on touche une très grande différence. Il se trouve que la majorité des étoiles dans la Voie lactée sont un peu comme notre Soleil, c'est-à-dire elles tournent régulièrement à la vitesse de 220-230 km par seconde autour du centre, avec des petits effets, parce qu'imaginez une étoile qui tourne, le Soleil tourne depuis, il a fait à peu près 20 tours. 250 millions d'années par tour, à peu près. 250 millions d'années par tour. Il a fait une vingtaine de tours depuis sa naissance. Mais par contre, évidemment, il subit l'attraction gravitationnelle des autres étoiles. Donc, il y a des petits mouvements qui se font, qui ne sont pas de la rotation, qui sont des mouvements très légèrement chaotiques, mais qui ne dépassent pas les 10 km par seconde. Et alors là, contraste. Avec Andromède. Andromède, on a observé les étoiles comme notre Soleil, 5 milliards d'années par exemple, qui ont 5 milliards d'années, et alors c'est plus du tout la même chose. Elles tournent autour du centre à peu près à 230, 240, parfois jusqu'à 250, mais par contre, elles ont des mouvements chaotiques qui atteignent facilement 100 km par seconde. C'est-à-dire au lieu d'avoir, vous voyez, quelque chose qui tourne comme ça, vous avez quelque chose qui oscille un petit peu dans tous les sens, mais une oscillation de type chaotique. Alors là, Grosse surprise. Comment ça a été découvert? Ça, c'est découvert par nos collègues américains. Et ça n'a pas été facile. Ça a été fait après pas loin de 5 ans d'observation. Vous savez, la galaxie Andromède, comme je vous le disais, sur le ciel, c'est très grand. Donc, il a fallu utiliser les plus grands télescopes américains, le télescope du Keck qui est à Hawaï. Et ils ont mesuré pas moins de 10 000 étoiles. Pratiquement une par une. Il faut reconnaître que c'est un effort colossal. Et ces astronomes, nos collègues américains, se perdaient un peu en conjecture d'où ça venait, pourquoi les étoiles d'Andromède se comportaient pas du tout comme les étoiles de la Voie lactée. Et puis avec une petite précision, c'est que ces étoiles avec un comportement chaotique et ces premières études qui datent d'il y a moins d'une dizaine d'années, c'est très récent, eh bien ce sont les étoiles âgées de plus de 2 milliards d'années qui ont des mouvements très désordonnés, alors que les autres beaucoup moins finalement. Voilà, exactement. Alors c'est ce qui nous a mis beaucoup la puce à l'oreille, parce qu'on travaille depuis un certain temps, on avait proposé effectivement un modèle de formation des galaxies dans lequel en fait les galaxies se forment non seulement par accrétion de gaz, mais surtout par collision, et dans lequel en fait la collision de deux galaxies bourrées de gaz faisait que le moment angulaire de la collision qui domine de beaucoup tous les moments angulaires en présence, permettait de reformer un disque. Et ça nous a mis vraiment évidemment la puce à l'oreille, puisque ce 2 milliards d'années correspondait exactement au moment où on formait ce disque. Et donc ça nous a tout de suite donné un indicateur de temps, un indicateur temporel, qui disait si cet objet, si on veut réussir à expliquer cet objet, il faut que les étoiles plus âgées que la collision soient complètement perturbées par la collision et se retrouvent dans justement ce disque épais avec des mouvements erratiques, tandis que les autres, celles qui viennent se former et obéissent en fait essentiellement au moment orbital, au moment angulaire orbital, se retrouvent effectivement dans un disque mince. Et effectivement, ça a été notre première pierre. Alors, on va procéder de manière totalement ascientifique, c'est-à-dire je vais vous demander de parler des résultats avant de parler de la manière dont vous les avez obtenus, parce qu'on en parlera tout à l'heure pour une bonne raison, c'est que on a eu la chance de pouvoir avoir accès au supercalculateur qui vous a permis d'établir ces modèles. On en parlera avec vous, Yan Bingyang, tout à l'heure, de savoir comment est-ce qu'on construit ces modèles de coalescence et de collision de deux galaxies avec autant de paramètres, et c'est un travail assez passionnant. Mais prenons le problème par la fin. Quelles sont les conclusions auxquelles vous avez abouti, François Hammer et Yan Bingyang? C'est-à-dire, grosso modo, on part d'un point qui serait il y a 7 milliards d'années à peu près. Voilà, il y a 7 milliards d'années, en fait, à la place d'Andromède, il y avait deux galaxies qui étaient sur une trajectoire de rencontre. Et là, on va parler justement de toutes les modélisations qui ont pu être faites. Il se trouve que Andromède étant une des galaxies, étant, comme l'a dit Yang Bin, une galaxie qui est vraiment très grande en taille, c'est en fait une galaxie dans laquelle ce qu'on appelle le moment angulaire, cette quantité physique est particulièrement très très grande. Elle est beaucoup plus grande, c'est 4 fois celui de la Voie lactée. Mm-hmm. C'est gigantesque. Donc il a fallu, un très grand bras de levier. Et très grand, qui dit très grand bras de levier, dit beaucoup de temps entre ce qu'on appelle le premier passage et la fusion. On va faire quelque chose aussi, c'est-à-dire qu'on va vous remettre sur le fil Twitter l'image que l'on a d'une coalescence de deux galaxies, parce que ce sont pas du tout, comme on peut l'imaginer, deux nuages qui se rencontrent et puis pouf, qui se mélangent et on aboutit à une sorte de superposition. Évidemment, il y a beaucoup d'énergie en jeu, il y a beaucoup de masse, il y a beaucoup d'effets de marée, d'attraction gravitationnelle. Donc tout ça se mélange, tourne autour et il y a beaucoup de paramètres en fait à prendre en compte, simplement, François Hammer. Oui, beaucoup de paramètres, mais alors je vous dirais que c'est un problème qui est en fait surcontraint. C'est-à-dire, la galaxie Andromède est tellement proche de nous, en fait les observateurs ont observé cet objet, de façon... On a observé ce galaxie depuis longtemps, dans la base de données humaine, on a accumulé beaucoup, beaucoup d'informations. Il y a des étoiles, il y a du gaz, il y a beaucoup d'informations qui contraignent beaucoup de paramètres. Alors, on part de ces 7 milliards d'années. Décrivez-nous le scénario, et une fois que vous nous aurez décrit le scénario, on va essayer de comprendre comment vous avez abouti à ce scénario. Donc le scénario, c'est effectivement deux galaxies qui se rencontrent et qui mettent beaucoup de temps à finaliser, je dirais, la rencontre, si je peux me permettre. À conclure. À conclure. Le rapport de masse, c'est pas tout à fait, elles sont pas de masse égale. Mmh. Et c'est extrêmement important, ça joue un rôle extrêmement important dans la collision, parce que au lieu de faire un premier passage et immédiatement un second passage et puis une fusion, mmh. en fait, elles continuent à sautiller l'une autour de l'autre. C'est extrêmement important pour le modèle, ça joue un rôle extrêmement important. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est beaucoup plus lourde que l'autre. Voilà, quatre fois plus. Le facteur, c'est 4. Mmh, alors, il y a certainement une barre d'erreur dans ce facteur, mais enfin, l'ordre de grandeur, c'est celui-là. Voilà. Et donc, il y a 7 milliards d'années, elle se frôle une première fois sans vraiment que ça change grand-chose, et le début de la coalescence réelle se produit il y a combien de temps ? Il se produit il y a 1,8 à 3 milliards d'années, c'est effectivement ce que donnent nos résultats les plus précis aujourd'hui, avec évidemment alors là un déferlement d'énergie d'une part, et puis ce que vous avez quand vous avez, pour vraiment préciser ce qui se passe physiquement, quand vous avez cette rencontre-là, vous avez trois différents mouvements ou moments angulaires, un qui est dû au moment orbital, puis l'autre qui est dû aux rotations en fait des étoiles dans chacune des deux galaxies. Ça. Alors ce qui se passe, c'est que les étoiles qui sont dans une des galaxies qui n'ont pas la chance d'être bien orientées par rapport au mouvement orbital, ben elles sont parfois même arrachées, mm-hmm. et ça forme ce qu'on voit dans ce type de vidéo, ça forme des gigantesques marées. Mais absolument gigantesques, qui peuvent atteindre. En fait, elles sont tellement grandes qu'elles peuvent aller même jusqu'à la Voie lactée, mmh. pour donner les ordres de grandeur. Et ce qui se passe, en fait, du coup, c'est que ça a des effets considérables, non seulement sur la structure de la galaxie, mais à l'extérieur aussi, dans ce qu'on appelle le halo. Ça va former des gigantesques courants d'étoiles, et ça va nous donner énormément de contraintes sur ce qu'on essaye de modéliser. Alors, il y a plusieurs questions, mais la première, peut-être ce qui est important, c'est de dire que sur ce modèle informatique que vous proposez, il y a quelques éléments observationnels qui le confirment partiellement, notamment vous parlez du courant d'étoiles, quand on regarde et quand on examine la composition d'une part du courant géant d'étoiles d'Andromède et d'autre part de l'amas d'Andromède, on se rend compte que on ne trouve pas le même type d'éléments lourds et qu'il y a donc vraisemblablement eu ce type de coalescence que vous modélisez. Alors effectivement, c'est des choses qu'on se rend compte après. A posteriori. C'est oui. vraiment a posteriori parce qu'a priori... c'est vraiment presque impossible à deviner, c'est plus qu'une devinette, c'est qu'on se retrouve effectivement avec une structure, et ça avait été noté par des astronomes de plusieurs équipes, en particulier, dont une équipe qui est dirigée par Rodrigo Ibata, qui a travaillé sur cet article aussi, qui nous a donné beaucoup de données observationnelles. Et effectivement, on se rend compte qu'il y a deux structures essentiellement au niveau chimique dans Andromède. Et effectivement, on reproduit précisément exactement ces deux structures. Une appartient à la petite galaxie et l'autre appartient à la grande. Et effectivement, petite galaxie, elle est moins chimiquement enrichie qu'une grosse galaxie pour des raisons alors qui sont purement de la gravitation. Bien sûr. Et alors, dernière question sur ce scénario auquel vous avez abouti. Quand on voit effectivement des modèles de coalescence de galaxies de taille de cet ordre-là, c'est-à-dire de rapport 1 sur 2 pour ce qui serait de la Voie lactée et d'Andromède, en général, on aboutit à des galaxies elliptiques, à des modèles qui sont des modèles où on voit ces galaxies spirales arrachées. Comment est-ce qu'on explique qu'Andromède ait conservé une forme spirale ? Est-ce qu'on a une hypothèse là-dessus ? Alors là, c'est même beaucoup plus qu'une hypothèse, parce que ça fait, je dirais maintenant, pas loin de 12 ans, hein, je pense, mm-hmm. qu'on travaille sur ce sujet. En fait, c'était un faux ami, je dirais, cette histoire de formation de galaxies elliptiques. C'est-à-dire que, en règle générale, lorsque vous avez deux galaxies, en particulier qu'il y a du gaz, le gaz d'une des deux, le gaz contenu dans ces galaxies va s'orienter le long de l'orbite, du mouvement orbital, et former un disque. Pour former une galaxie elliptique, on a découvert même assez récemment que c'était même assez difficile, en fait. Il faut que vous fassiez beaucoup de rencontres, par exemple, parce que vous cassez les différents, mmh. Vous cassez les disques les uns après les autres, ou alors il faut qu'il n'y ait vraiment pas de gaz du tout. Mais finalement, en fait, la majorité des rencontres font des galaxies spirales, et ça explique que dans 70% des galaxies de la masse de la Voie lactée sont des galaxies spirales. Et donc que la coalescence finalement ne donne pas lieu comme on l'imagine systématiquement et comme on l'a modélisé, mais ça on en reparlera tout à l'heure lors de la future potentielle fusion entre la Voie lactée et Andromède à une galaxie elliptique, il n'est pas impossible que cette future fusion donne elle aussi, il y a une question de moment angulaire qui changerait aussi là aussi le résultat final de la galaxie. Je vais vous donner le résultat probable, ce sera plutôt une galaxie lenticulaire qui est dominée par un bulbe effectivement, donc il y aura très probablement quand même un petit disque, il reste du gaz dans les deux galaxies. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Andromeda and the Milky Way, puisque nous parlons d'Andromède, c'était Michel Angelo. Angelo, j'y arriverai jamais. Ça fait toujours beaucoup rire ma réalisatrice, qui ne manque pas de me mettre des morceaux de cet artiste de Soul qu'on aime beaucoup malgré tout à la rédaction de la méthode scientifique. Voilà, nous parlons donc de la galaxie d'Andromède avec François Hammer, qui est astronome au GEPI, Galaxie Étoile Physique et Instrumentation à l'Observatoire de Paris, ainsi que Yan Bingyang, qui lui est ingénieur de recherche CNRS toujours au GEPI et qui a travaillé sur la partie modélisation et supercalculateur, puisque vous et votre équipe avez proposé un modèle sur la formation de cette galaxie d'Andromède après la coalescence de deux galaxies il y a entre 1,8 et 3 milliards d'années. Je précise toujours à titre de comparaison, parce que la comparaison est tout de même séduisante, de se dire que vraisemblablement la vie était déjà en train d'apparaître sur Terre au moment où cette coalescence s'est produite, hein, puisque certaines estimations de l'apparition de la vie sur Terre la font remonter à 3,4 milliards d'années, si mes chiffres, 3,8 même, ça, selon les dernières. Bref, ceci étant dit, et pour aboutir à ces conclusions et à ces modèles, eh bien, il y a fallu non seulement évidemment des observations, comme vous le disiez tout à l'heure, Yan Bingyang, beaucoup d'observations de cette galaxie d'Andromède, mais aussi des modèles et beaucoup, beaucoup, beaucoup de calculs. Et quand on parle de calculs, eh bien, vous n'êtes jamais très loin, Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Voilà, c'est la calculette de la méthode scientifique. Je sais pas pourquoi, mais si vous le dites. Oui, oui, tout à fait, c'est votre fonction logarithmique et qui est vraiment très précieuse. Bref, vous vous êtes rendu à l'observatoire de Meudon, où se situe l'un des supercalculateurs qui a été employé pour établir donc ce modèle de la formation d'Andromède. Oui, cette super machine s'appelle MESO-PSL et vous m'y avez amené, Jean Mignon, avec votre collègue Hector Flores. Physiquement, MESO-PSL ressemble à un gros cube, un cluster, qui héberge des ordinateurs connectés à 56 gigabits, donc c'est du très très haut débit. Cette machine a permis pour la toute première fois de modéliser la formation d'Andromède, une simulation numérique basée sur 24 millions de particules, une prouesse jusque-là jamais égalée. On arrive aux machines, c'est MESO-PSL, c'est avec les machines qu'on a fait les premiers résultats. Donc là, vous voyez ici les clusters. Derrière, c'est tout ça, c'est pour refroidir tout le système. On n'a pas le droit de rentrer. Oui, alors en fait, on est sur le site de l'Observatoire de Meudon, et là, on s'apprête à rentrer dans l'enceinte qui abrite le supercalculateur. Les supercalculateurs qu'on appelle un cluster, qui sont connectés avec un système de réseau ultra rapide qui s'appelle Infinity Band. Ici, les ordinateurs sont connectés à 56 gigabytes. C'est très, très haut débit. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? À l'intérieur, il y a des rectangles, qui sont des racks. Et dans chaque rack, vous avez des CPU, de la mémoire et des disques. Et tout cela, il est connecté à très haute vitesse. C'est des cubes de données. C'est des cubes de données de vitesse et de position, des formations stellaires, etc. Et donc tout ça, il est récupéré quelque part et il est traité ailleurs. Donc c'est ça la partie intéressante. Ça veut dire qu'ici, on fait tous les calculs numériques des gravités, des poussières, des formations d'étoiles et tout ça. Et après, chaque photo, elle est récupérée et traitée ailleurs. Cette grosse machine, quel était son rôle dans le processus de reconstitution de la formation d'Andromède ? L'idée, c'est que MesoPSL a été utilisé en parallèle à IDRIS. IDRIS, c'est notre ordinateur à niveau national, qui est beaucoup plus grand, à Orsay. Et donc, lui, il est refroidi avec de l'eau. Celui-là, c'est avec de l'air. Et donc, lui, il a autour de 2000 ou 3000 processeurs. Et donc, l'idée qu'on a utilisé MesoPSL, c'est faire des petites simulations de quelques millions de particules, au maximum 6 millions. Pour essayer d'optimiser les paramètres, c'est ce qu'a fait Jambin, surtout avec François. Mais on parle de quelles particules, là ? Parce qu'on essaie de recontextualiser la formation d'Andromède. Oui, parce que les galaxies, vous ne pouvez pas faire étoile par étoile, parce qu'il y a 100 milliards d'étoiles déjà dans nos galaxies. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on fait des grosses particules qui représentent 100, 1000, 10 000 ou 100 000 étoiles. C'est avec ces étoiles-là qu'on fait tous les calculs. Et donc, on fait des grosses particules, on voit comment ça se comporte. Et Jambin, il lance plein de mini-simulations pour améliorer ces paramètres-là. Après, on améliore la résolution, on essaye encore. Et quand vous savez quelque chose qui marche convenablement bien, vous lancez sur IDRIS quelque chose de plus gros, de 24 millions de particules, et qui ça permet quand même de regarder les petites structures qui sont détectées et montrées dans les différentes vidéos que Jambin a faites. En quoi le calcul supermassif a permis de comprendre que Andromède c'était le résultat de la collision de deux galaxies progénitrices ? Mais ça simplement vient du fait que dans tous les logiciels que l'on utilise, il y a toute la physique, il y a la gravité, il y a les chauffages à cause des supernovas qui explosent, il y a du gaz, etc. Donc, quand vous faites ces simulations de galaxies qui se rencontrent, c'est plein de particules qui se rencontrent. Et donc, la simulation essaye de s'approcher le plus possible de la réalité. Et donc, c'est pour ça que quand après, vous commencez à détecter plein de détails sur les filaments, les streams qui sont détectés. Les courants d'étoiles. Les courants d'étoiles. On détecte tout cela dans les simulations. Donc, ça indique que les paramètres que Jambin, avec son travail, a réussi à trouver. D'accord. Et donc, avec ces simulations, on reproduit la réalité. Et donc, ça nous dit quand même qu'on s'approche à ce qui s'est arrivé vraiment avec ces galaxies-là. Donc, on a pu comprendre un peu les mécanismes physiques à l'origine de la structure qu'on observe. En général, les deux galaxies sont différentes parce que ça a été observé. L'intéressant avec les simulations, c'est que l'idée, c'est reproduire la galaxie pour comprendre pourquoi ils sont là et comment ils sont arrivés à ces structures-là. Ça veut dire les travaux de fond. C'est essayer de comprendre comment ils sont arrivés, c'est cette structure à être formée. Donc c'est ça le plus important, parce qu'on sait déjà depuis des années que notre galaxie et Andromède, ils sont des histoires complètement différentes via les populations stellaires, les métallicités, etc. Donc maintenant, quand on a plein d'observations pour les galaxies, l'idée après, c'est de dire, voilà, mais pourquoi ils sont si différents? Qu'est-ce qui s'est passé à cette galaxie-là pour arriver là? Et donc c'est là ce qui est le travail énorme qui a été fait pour essayer de reproduire les observables. Ce qui n'aurait pas pu être fait par d'autres méthodes de calcul. Voilà, il y a des autres centres, mais c'est nous qui avons eu un premier. Et c'est grâce à cette petite cube qu'on voit ici, que c'est tout carré, qu'on ne pense pas que ça coûte très cher, mais que ça permet de faire énormément de calculs et qui permet quand même de faire le travail qu'on a fait. C'est ça le truc impressionnant. C'est, ici, on est en train de parler des vitesses de transmission de 56 gigabytes. Et on espère que ça continue à grandir. Comme ça, on pourra faire des calculs encore plus grands. Là, on a proposé quelque chose à 1 milliard de particules. L'idée, c'est avec l'extension des MesoPSL, si on pourra faire quelque chose encore plus complexe et pour expliquer des choses encore plus petites. Voilà le reportage sur la machine qui vous a permis d'effectuer ces modèles et ces simulations. Je me retourne vers vous, Yan Bingyang. Quand on parle de 24 millions de particules, comment est-ce qu'on réduit un système aussi complexe qu'une galaxie entière à des points qui sont des points signifiants pour établir ce type de modèle, le faire remonter dans le temps? We can simplify the system of the galaxy by to represent them as a system of particles. So you can imagine the particle as the sand à la plage. Alors donc je réduis, donc pour vous prenez la galaxie et vous pouvez effectivement prendre un certain nombre de particules comme autant de grains de sable à la plage, des particules représentatives. Right. Mm-hmm. So each of these particles will carry the essential information for the calculation. For example, each particle have its own mass, position, and velocity. Chaque particule a donc sa masse, sa position et sa vitesse. Elle a chacune ses caractéristiques qui permettent donc de... Ces particules, ça peut être des ce sont forcément des étoiles, ce sont des objets stellaires. It represents a piece of the galaxy. Mm-hmm. Ce sont des morceaux de galaxie, voilà. Donc modélisés déjà. Mm-hmm. Yes. So, in the this problem of evolution of galaxy, we know that the gravity is the dominant force. To involve the system. C'est la gravitation qui est la force dominante pour faire évoluer le système dans le temps. And then we design an algorithm to calculate this force between each particle. Et donc on utilise des algorithmes pour faire jouer la gravitation sur chacune de ces particules et de voir comment elle agit sur chacune de ces particules. Yes, and then we know how the particle is move with time. And like that, we calculate each small time step to know how the system evolves. Et donc on applique ces algorithmes par petits blocs de temps, et donc on fait évoluer tout ce système dans le temps petit pas par petit pas. C'est quoi par exemple l'échelle de temps entre deux calculs? It's like 1,000 years or 10,000 years. C'est 10 000 ans, step. D'accord. Yeah. Donc c'est tout petit à l'échelle cosmologique. 10 000 ans, c'est très faible comme échelle. Ouais. Yes. And so if we follow, we start from a kind of initial condition, mm-hmm. We'll talk later, we follow this evolution of the initial condition, we will get the final result, and then we will project this result as we observed. We can compare the result to the observation. Donc en fait, on prend un système initial, des positions initiales, on effectue ce calcul dans le temps de l'application de la gravité sur ces particules, et on compare de ce point de départ initial à ce que l'on obtient aujourd'hui en observation, c'est-à-dire dans la réalité. On compare le modèle du calcul et la réalité. Ça, c'est pour la première étape. Et donc j'imagine qu'ensuite, une fois que ça correspond à la réalité, on fait marche arrière, on fait régresser le système. Yes, this is actually the way that we close the loop of our work. So we first create the initial condition. For example, we have to calculate, as François has mentioned, that we have to know that the orbit of the two galaxies, how they getting close each other, and finally get merged together. Donc on prend l'orbite justement des deux galaxies et on voit précisément comment elles vont fusionner l'une avec l'autre. And then we use this particle system to represent the two galaxies. We let it evolve. And in this process of calculation, we have to include the calculation of gravity force between each particle, and we have to take into account the hydrodynamic equation to treat the gas property. Donc on ajoute donc dans ce système et dans ces modèles la gravitation, mais aussi les propriétés hydrodynamiques des gaz, hein, qui se comportent évidemment selon des équations d'hydrodynamique et pas de thermodynamique d'ailleurs. Oui. Oui. The last important element that we have put into have considered in the calculation is the star formation process. Mm. Et le dernier élément qu'on ajoute, c'est le processus de formation des étoiles. This process is very complex process. For the moment, we use a very simplified method. Mm. Donc c'est la formation des étoiles, c'est un système effectivement très très complexe. Là, pour le coup, on utilise un modèle extrêmement simplifié. Yes. Mm. So the condition to form star we use is that when the gas is cool and condensed to a certain threshold. Mm-hmm. Donc c'est quand les nuages de gaz se refroidissent et se condensent jusqu'à un certain niveau, jusqu'à un certain point de condensation, de densité. And a fraction of the gas were transforming to star. Mm. Et une fraction de ce, voilà, c'est l'effondrement typique des nuages de gaz qui, en s'effondrant, finissent par déclencher des réactions de fusion nucléaire et donc l'apparition de proto-étoiles puis d'étoiles. Yeah. At this moment of formation of star, we record the age of the star. That means at which time the star has been formed and decoupled from star from the gas. Et donc on enregistre à quel moment précisément l'étoile s'allume entre guillemets, devient une étoile et donc ne voilà se découple de son état de nuage gazeux. Yes, and finally, at the end of simulation, we extract all this information. We can know which star formed at which epoch. Et donc, ben voilà, du coup, quand on arrive à la fin de cette modélisation, eh bien, on peut dire à quel moment telle étoile s'est formée, comment elle s'est formée, et à quel endroit, j'imagine aussi, de la galaxie ou de la nouvelle galaxie, elle a pu se former. Yes, exactly. And finally, this can be compared to the observation derived. Et ça, on peut évidemment à ce moment-là le comparer aux observations. C'est un travail titanesque. Hein, vous le disiez, François Hammer, ça fait 12 ans que vous travaillez sur ces modèles. Vous me confiez hors micro que là, vous travaillez sur 24 millions de particules, que vous allez travailler maintenant sur 1 milliard de particules. Donc, c'est-à-dire avoir des estimations beaucoup plus fines et beaucoup plus précises. Alors d'abord, effectivement, c'était même extrêmement fastidieux. On peut dire que on en avait des fois un peu marre, hein, je dirais, Yangbin, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Parce que 2 ans, on a relancé l'équivalent de pas loin de 500 simulations, je pense. Parce qu'évidemment, il y a le lancement de la simulation, on trouve effectivement les particules, on trouve leur distribution, on trouve tout ça. Mais après, il faut évidemment les analyser et les comparer effectivement aux différentes observations et vérifier effectivement lesquelles sont les plus proches, lesquelles sont, etc. Et si on a reproduit en fait la physique de l'objet. Et je disais tout à l'heure, c'était un problème surcontraint. Effectivement, il était tellement surcontraint. Pour vous donner un exemple, pour modéliser la barre qui est simplement au centre, on a passé pratiquement 1 an. Rien que pour reproduire cette barre. Mmh. Et c'est en modélisant effectivement, on a vraiment modélisé du centre au bord. On a commencé d'abord à modéliser le bulbe, la barre, le disque, ensuite un anneau géant qui effectivement semble statique et qui a un anneau de formation stellaire qui est inscrit dans le disque, qui était quelque chose qu'on comprenait pas, on savait pas pourquoi effectivement cet anneau semblait être toujours présent depuis 1 milliard d'années. Aucun modèle n'arrivait à le faire. Les astronomes américains se perdaient en conjectures pour comprendre comment leurs observations, personne n'arrivait à les reproduire. Et ça a pris, oui, je dirais, à peu près, on a dû faire 300 à 500 modèles, hein, je pense, à peu près, pour commencer à arriver à des modèles qui ressemblaient. Et c'était un petit peu comme en science, c'est quelque chose qui est très agréable, c'est quand vous commencez à modéliser dans un problème surcontraint, vous commencez à modéliser effectivement le centre, donc la galaxie, sa barre, le disque, l'anneau, etc. Et vous commencez à voir les autres structures apparaître. Mm-hmm. C'est-à-dire que vous commencez en fait à toucher du doigt les quelque bons chose. Modèles. Mm-hmm. Vous êtes alors après, ça reprend encore à peu près le même temps, c'est-à-dire vous redoublez encore ce temps-là. Donc, faut analyser en fait toutes les différentes propriétés physiques. Et là, on va se retrouver donc effectivement, comme vous le disiez, on va effectivement tenter une modélisation à 1 milliard de particules. Je vous avoue que là, par exemple, ma machine ne va pas suffire à faire l'analyse. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on réfléchit comment on va faire pour remplacer ça, parce que on va se retrouver avec des fichiers absolument monstrueux. Votre machine, c'est celle qu'on a entendue, c'est celle qui est ici. Ah, c'est celle qui est ici. C'est la machine qui sert à analyser. D'accord. Très bien. Donc c'est un ordinateur portable que vous avez. Moi, je pensais qu'on parlait du supercalculateur. Non. Pour l'analyse, on utilise des ordinateurs justement plus ordinaires. Bon, c'est boosté. Hein, c'est des comme la machine de Yangbin, c'est des machines boostées. Mais pour l'analyse, on a besoin justement d'avoir des résultats très très très très rapidement. Voilà. Un mot peut-être pour dire maintenant que ces modèles-là ont été proposés, vous allez évidemment essayer de les affiner. On voit, hein, déjà, on en parlait tout à l'heure, qu'il y a eu d'un seul coup une corrélation entre des éléments observationnels, notamment la composition en éléments lourds de différentes parties de la galaxie, et ce modèle-là. Quelles sont aujourd'hui les confirmations observationnelles que vous pourriez attendre, qui viendraient bien d'un seul coup faire passer ce modèle d'un modèle à une théorie ancrée dans une réalité observationnelle? Alors, on a, en fait, ces modèles ont des prédictions assez importantes. En particulier, parmi les prédictions, c'est une prédiction qui s'est réalisée déjà, hein, parce qu'on avait déjà travaillé effectivement sur ça, sur la galaxie Andromède. C'est que on attend à ce que les galaxies, les petites galaxies dont on parlait tout au début de l'émission, les petites galaxies naines, on s'attend à ce qu'elles se retrouvent dans un plan particulier et qui correspond justement à ce fameux plan orbital dont on parlait tout à l'heure. Et ce plan a été découvert d'ailleurs par notre collègue qui est co-auteur de l'article, Rodrigo Ibarra. Et il est effectivement trouvé, il y a un plan immense qui inclut notre propre Voie lactée qui entoure la galaxie d'Andromède. Et effectivement, on s'attend exactement à ça dans le cas d'une collision, en particulier une collision récente. On arrive dans les dernières minutes de cette émission. Avant de parler de la suite, de l'extrapolation vers le futur, peut-être qu'on peut aussi ce modèle, il nous renseigne à d'autres égards, et il peut nous renseigner notamment sur, alors évidemment, la question que l'on se pose quand on observe des galaxies ou des systèmes stellaires lointains, c'est évidemment immédiatement la question de la vie, de l'apparition de la vie. Or précisément, ce modèle de la coalescence à 1,8 entre 1,8 et 3 milliards d'années, il serait plutôt défavorable. C'est pas une très bonne nouvelle pour la vie sur Andromède. Donc, dans une galaxie énorme, deux fois la taille de la Voie lactée, c'est pas une très bonne nouvelle. Pourquoi, François Hamer? En fait, c'est pas une très bonne nouvelle pour Andromède et une très bonne nouvelle pour la Voie lactée. Voilà. Ce qui est une bonne chose, puisqu'on est plutôt dans la Voie lactée. En fait, effectivement, ce type de collision, on s'attend qu'à la suite d'une collision de ce type, en règle générale, les galaxies progénitrices ont un trou noir en leur centre. Et ce qui se passe à peu près un demi-milliard d'années après la fusion, on s'attend à ce que les deux trous noirs eux-mêmes fusionnent. Alors tout ça dépend des paramètres orbitaux, hein. c'est pas aussi précis que ça. Mais ce qui se passe quand il y a fusion des deux noyaux et même simplement du gaz qui tombe sur les noyaux, en règle générale, vous formez ce qu'on appelle un quasar, c'est-à-dire un dégagement d'énergie qui est absolument considérable et qui dégage de l'énergie, en particulier à des rayonnements qui sont absolument pas favorables à la vie, en particulier les rayonnements gamma. Les rayons gamma, les fameux gamma ray burst. Alors on sait que notre Voie lactée, et on sait de façon quasiment certaine que notre Voie lactée n'a pas subi de collision de ce genre-là depuis 10 milliards d'années. Alors, est-ce que le fait que nous soyons là est un lien direct? C'est possible, c'est pas impossible, mais c'est vrai que pour Andromède, la nouvelle est pas très bonne. On pourra toujours dire, évidemment, après un milliard d'années, on peut refaire de la vie quand même, hein, mais c'est pas une très bonne nouvelle. Alors parlons précisément un peu de l'avenir. On l'a dit au début de cette émission, les modèles, enfin en tout cas l'observation, pas les modèles, nous montrent que la Voie lactée et la galaxie d'Andromède se rapprochent à 120 km/s. Est-ce qu'on est aujourd'hui sûr de leur future coalescence ou est-ce que ça reste une hypothèse pour le moment, François Hamer? C'est à peu près certain parce que cette collision dépend essentiellement effectivement des vitesses des deux objets, mais pas seulement des vitesses de rencontre. Il y a une vitesse de rencontre, mais il y a aussi, comme je vous le disais, des vitesses perpendiculaires à cette rencontre qui peuvent effectivement faire changer la rencontre. Si ces vitesses perpendiculaires étaient plus grandes que la vitesse de rencontre, il n'y aurait pas de rencontre. Tout simplement. Par contre, on pense qu'on a un bon majorant de ces vitesses et il semble que la vitesse la plus importante, c'est celle de rencontre. Donc il y aura une rencontre, mais alors je ne peux pas vous dire si cette rencontre aura lieu dans 3 milliards d'années ou dans 12. Excusez-moi de peu de précision. Les prévisions parlent de 4 milliards d'années en général. Quand on lit la littérature à ce sujet, on évoque à 4 milliards. C'est pas un bon curseur. C'est un bon curseur. Dans ce cas-là, je peux vous dire, oui, 4 moins 1 plus et plus 8, parce qu'on ne sait pas du tout. Il faut reconnaître, au jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas ce qu'on appelle le mouvement propre de la galaxie Andromède par rapport à nous. Alors, on espère avec Gaïa, Gaïa qui est un satellite qui est lancé au point de la, qui a été lancé au point de Lagrange, qui va faire son deuxième data release, c'est-à-dire le dépôt de données, oui. Voilà, en avril de cette année. Donc, on espérait avoir déjà de premiers d'autres indices. Le télescope spatial continue à travailler sur dans ce domaine, mais au jour d'aujourd'hui, je refuserais de donner plus de précisions. Que va devenir, parce qu'on parle beaucoup de la Voie lactée, de la galaxie d'Andromède, il y a une autre galaxie qui n'est pas une galaxie naine, mais qui est une galaxie importante dans cet amas local, qui est la galaxie du Triangle, qui est un peu derrière Andromède. On n'en parle pas beaucoup depuis le début de cette émission. Qu'est-ce qu'elle va devenir, cette galaxie-là, dans l'amas local? Alors, c'est un peu le même problème, en fait. Il se trouve que pour cette galaxie du Triangle, elle, on connaît son mouvement propre. Il se trouve qu'il y a un Maser dans cette galaxie, on connaît très précisément son mouvement propre, mais pas de chance, on ne connaît pas celui de M31 d'Andromède. Donc, résultat net, je ne peux pas vous donner non plus beaucoup de précision, toujours à cause de ce fameux manque, effectivement, sur Andromède. Il semblerait, certains modèles avaient fait penser qu'il y avait une trajectoire de rencontre entre la galaxie Triangle et d'Andromède, mais pour l'instant, on n'en est pas plus certain que ça. Il semble qu'il y ait un certain lien entre les deux galaxies, elles sont quand même proches, effectivement, l'une de l'autre. Mais au jour d'aujourd'hui, non, je ne peux pas vous donner beaucoup de renseignements sur la galaxie du Triangle. Alors, il y a eu des modèles discutés, mais il y a eu des modèles tout de même quand on a commencé à parler de cette future fusion entre nos deux galaxies, qui proposait que Andromède et la Voie lactée se soient déjà croisés il y a 10 milliards d'années. C'est des modèles sérieux ou c'est des modèles pas sérieux du tout, ça, François Hammer? C'est difficile à vous répondre. Ça, c'est très très difficile à vous répondre. C'est une bonne question piège. Bon, dans le cadre d'un modèle, évidemment, ça ne fonctionnerait pas parce que il y a 10 milliards d'années, il n'y avait pas d'Andromède. N'existait pas. Voilà. Donc là, au moins, là, je vous réponds par une pirouette. Je crois que je vais d'ailleurs garder la pirouette parce que c'est des modèles qui existent, mais qui se font alors cette fois dans une autre. En général, ces modèles-là se font non dans un modèle d'univers qui n'est pas exactement le même que, je dirais, le modèle cosmologique relativement admis. C'est-à-dire avec moins de matière noire, pour résumer à grands traits. Pas de matière noire du tout, peut-être. Mais... j'ai pas d'opinion particulière parce que je pense qu'on n'est pas assez avancé au jour d'aujourd'hui pour trancher entre un modèle et un autre. Ce que je peux dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'indice fort pour une rencontre entre ces deux galaxies il y a 10 milliards d'années. C'est-à-dire, il n'y a rien dans ces deux galaxies qui montre ce genre de propriété, en tout cas. Bon, donc un dernier mot aujourd'hui pour nos amis qui aiment observer l'espace et à qui on vient de mettre plein de magnifiques images d'Andromède. Quel est le meilleur endroit, le meilleur moment pour observer Andromède quand on a envie de se saisir de ses jumelles et pour pouvoir aller le regarder à l'extérieur, selon vous? Dans l'hémisphère nord, c'est l'été, l'automne. Ce sont vraiment des périodes idéales, je dirais. Donc c'est... vous regardez la constellation de Pégase. Alors pour ceux qui connaissent pas la constellation de Pégase, c'est un gigantesque carré, en fait, hein, on peut dire comme un carré, qui dans lequel vous allez pouvoir trouver une traînée, une queue, en fait. C'est plusieurs étoiles, donc il suffit de compter à partir de la queue de deux étoiles à partir de laquelle vous remontez ensuite vers le plan de la Voie lactée de 2-3 étoiles et là vous tombez sur Andromède qui n'est pas très loin du plan de la Voie lactée. C'est un des plus beaux spectacles de l'hémisphère nord, clairement. Et bien voilà, vous savez quoi faire de vos belles soirées d'été à la belle étoile ou d'automne. Merci beaucoup à tous les deux. Merci François Hammer, merci Yan Bingyang d'être venu parler de la formation de cette galaxie Andromède et de votre modèle. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Céline Lausanne, Sarah Ichemans, Noémie Gnaguet, Saint-Villefranc, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Elisabeth Miro à la réalisation, Pierrick Monsigny à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture. Dans un instant, c'est le deuxième épisode de la série documentaire de Nicolas Jox et Manouchak Fachaï sur le Grand Paris. Tout à l'heure, à partir de 18h20, dans le Grain à Moudre, Hervé Gardette se demandera si la laïcité est une et indivisible. Et puis, pour ce qui nous concerne, eh bien demain, nous parlerons de médicaments de la taille d'une cellule, que dis-je, à peine d'un virus. Bref, quand la thérapeutique va cibler directement le cœur des cellules cibles, ça s'appelle la nanomédecine et on en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.